les Italiens réussirent surtout dans les grands poèmes de longue haleine, genre d'autant plus difficile que l'uniformité de la rime et des stances à laquelle ils s'asservirent semblait devoir étouffer le génie. Si l'on veut mettre sans préjugé dans la balance l'Odyssée d'Homère avec le Roland de l'Arioste, l'Italien l'emporte à tous égards. Tous deux ayant le même défaut, l'intempérance de l'imagination et le romanesque incroyable. L'Arioste a racheté ce défaut par des allégories si vraies, par des satires si fines, par une connaissance si approfondie du cœur humain, par les grâces du comique qui succèdent sans cesse à des traits terribles, enfin, par des beautés si innombrables en tout genre, qu'il a trouvé le secret de faire un monstre admirable.